Une passive terre où se mélangent faune et flore, où l'industrie frôle l'absurdité de nos efforts. La technologie, le summum de notre passion, le point G de tes envies à en faire une addiction. Gare aux illusions car la magie ne dure qu'un temps. Prends des précautions, chose à faire depuis longtemps, mais les conséquences peuvent être dramatiques. Tu les dramatises, pour toi le drame est plus loin qu'ils le disent. C'est la course à la croissance, au meilleur bénéfice, à la meilleure technologie sans évaluer les risques. Les aiguilles tournent, rien ne peut les stopper. C'est la débrouille, le système D. Ça ne marche pas comme ça. Une fois de plus on n'essaye pas. Mais pourquoi attendre tandis que le monde part ensemble? Ça ne marche pas comme ça. Une fois de plus on n'essaye pas. Mais pourquoi attendre tandis que le monde part ensemble? Pourquoi rester spectateur? Mais pourquoi laisser pleurer nos cœurs? Mais pourquoi plonger dans le vide alors qu'il y a d'autres raisons pour qu'on se liquide? Une multitude de tâches pour en final n'en faire aucune. Des managers gouvernés par une magie occulte. Sauf qu'un coup de baguette ne changera pas la face du monde. Des politiciens comme magiciens avec des tours qui s'effondrent. Les suicides deviennent des modes dans le loisir des hommes. Si tu ne crois pas, Belle France Télécom. Des informations passent comme de vulgaires banalités. Une réalité banalisée, une jeunesse dynamitée par le virtuel qui véhicule le crash sans pincette. Un surfeur alcoolique qui en pince pour la fête. Ça ne marche pas comme ça. Une fois de plus on n'essaye pas. Mais pourquoi attendre tandis que le monde part ensemble? Ça ne marche pas comme ça. Une fois de plus on n'essaye pas. Pourquoi attendre tandis que le monde part ensemble? Ça ne marche pas comme ça. Une fois de plus on n'essaye pas. Mais pourquoi attendre tandis que le monde part ensemble? Ça ne marche pas comme ça. Une fois de plus on n'essaye pas. Mais pourquoi attends, tandis que le monde part ensemble. Un mois tout juste après la catastrophe de la 330 d'Air France Rio-Paris au-dessus de l'Atlantique, le transport aérien est de nouveau endeuillé par l'accident en début de semaine dernière de la 310 de Yémenia au large des Comores. Ce drame, comme celui du vol AF-447, suscite son lot de questions et de réactions à chaud pas toujours très rationnelles.